Alors ma bio au Bifidus Actif d'aujourd'hui sera consacrée à un acteur qui a l'élégance de porter le plus beau prénom du monde. Jean-Paul Belmondo. Oh là là là. Oui Jean-Paul, nous partageons le même prénom. Même si la similitude d'entre nous s'arrête là. Tu es, avec tout le respect que je te dois, plutôt en fin de carrière, alors que la mienne débute à peine. À moi les cascades en voiture, les sauts en parachute, sans parachute, et les brunes à forte poitrine, avec poitrine. Oui, je suis incorrigible. Jean-Paul, il y en a qui connaissent. Jean-Paul Belmondo est né à Neuilly-sur-Seine, comme Patrick Balkany, lui-même ami enfance de Nicolas Sarkozy. À leur contact, Jean-Paul Belmondo hésitera longuement entre flic et voyou. Les deux autres auront beaucoup moins de scrupules et joueront les deux rôles simultanément. Aujourd'hui, quand on lui en parle, Patrick Balka nie. Oh, merci. Ouais. Je l'ai pas volé celui-là. Et Nicolas Sarko Zizi. Ça veut rien dire, mais Zizi, ça fait toujours rire. C'est tellement vrai. En tout cas, dans les cours de récréation de maternelle où le petit Jean-Paul, et là je parle pas de moi, ça va Thibaut, passait son temps, déjà tendre voyou, à se bagarrer avec sa camarade. À tel point qu'il envisagea dans un premier temps de devenir boxeur. Ce qui est toujours mieux que de devenir slip. C'est pourtant dans le cinéma qu'il se fera des couilles en or. Et je ne parle pas seulement de 100 000 dollars au soleil. Alors précision. Jean-Paul Belmondo, ce n'est pas son vrai nom. Au début, il s'appelait Jean-Paul X, comme tout le monde. En n'étant pas héritier, il débute comme plagiste à Cannes. Cannes, déjà. À cette époque, les Russes à la peau blanche commençaient à réinvestir les plages de la Côte d'Azur et en début de saison, fatalement, elles prenaient des coups de soleil. Elles appelaient alors Jean-Paul. S'il te plaît, Jean-Paul, pèle mon dos. C'est édifiant, je sais. Moi, ça me fait rire. Déjà professionnel, il s'exécutait sur le corps de celles qui n'avaient jamais été ses ennemis et terminait à chaque fois en leur roulant une pelle, voire en leur mettant une cartouche. Ce surnom de Belmondo lui est resté. Et comme il était plutôt bel homme, quand il a fallu trouver un nom de scène, il l'a transformé en Belmondo. Belmondo, Bebel, tac tac, badaboum, Bebel. Avec un nom pareil, il aurait pu faire de la pub pour la vache qui rit, des fromages rivelles. C'est pourtant le cinéma qu'il choisit. Pardon, une réaction sur hashtag Pontex. Quand on parle de la vache qui rit, est-ce une allusion déguisée à Nadine Morano? Sûrement. Cher auditeur, je me serais pas permis une telle allusion, je t'aurais pas osé. Revenons au cinéma. Jean-Paul Belmondo connaîtra la gloire avec Godard. Alors pour ceux qui ont suivi les semaines précédentes, après Godfinger, Godzilla, Godfather des semaines précédentes, voici maintenant Godard. Godard, toutes celles qui l'ont utilisé sont à bout de souffle. Pas mal. Bien qu'étant alors considéré comme un acteur de la nouvelle vague, on ne fera pourtant pas appel à lui pour jouer dans Point Break ou Brise de Nice. Trouvant cela injuste, comme Pierrot, il devient fou et se casse au week-end à Zuidcote, où à force de faire le guignolo et l'animal, on le verra en singe en hiver, il provoque la peur sur la ville et finit en misérable, marginal, solitaire. C'est alors l'appel du grand large, la sirène du Mississippi. On verra l'homme Mario, puis tribulé en Chine. Tel un morfalou, Jean-Paul Belmondo passe de pays en pays, malgré une rage de dents persistante. Cette scoumoune l'inspirera pour l'écriture de son premier scénario, Itinéraire d'une dent gâtée. Scénario qu'il confiera plus tard à un réalisateur un peu louche. Mais qui est pourtant un homme qui me plaît. Ah, une réaction sur hashtag Pontex de nouveau, Nadine Boirano peut-être. Ah non, c'est une copine à elle, Isabelle Balkany, qui dément avoir avec son mari inspiré le scénario des tricheurs. Alors pour le tricheur, je ne sais pas, mais pour Hold Up, c'est bien possible. Oh, tac tac badaboum. Jean-Paul Belmondo. Jacqueline Bisset le trouva magnifique. Bourville dira de lui, c'est un cerveau. Moi, je n'aurai qu'un seul mot pour saluer celui que le diseur de bonheur de Bonne Aventure appelle l'as des as. Chapeau l'artiste, Borsalino. Merci. Oh. Alors, entre Balkany et Morano, tu vas avoir des problèmes. Oui.